Section 91 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 91. Noël de neige par Jean Richepin. Carillonner, dic, din, don. C'est Noël, la cloche chante, mais là, la neige méchante couvre le joyeux bourdon. Bah, ciel triste et chanson folle, quand restera-t-il demain? La neige fond dans ma main, le Noël dans l'air s'envole. Puisqu'on voit au même instant Jean qui rit et Jean qui pleure, et que tous deux sont un leurre, à tous deux, buvons d'autant. Ô neige qui t'effiloche, sème tes blancs papillons, carillonner, carillon, éclat de rire des cloches. Fin de la section 91, lue par Margot.